Au secours. Au secours. En aide. Je vous en supplie. Je vous en supplie, mon Dieu. Mon Dieu. Qu'est-ce que je vous ai fait? Qu'est-ce que je vous ai fait? Au secours. Oh, my God.